Hey, bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue sur iFunk, l'émission qui vous donne à fond du funk et évidemment du sourire. Alors ça me fait évidemment, comme d'habitude, super plaisir de vous avoir aujourd'hui pour encore une fois un max de pleasure funky. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, je me présente, moi c'est Dorian. J'adore présenter en fait le style musical des années 60, 70, 80, 90 afro-américain, donc le funk, la disco, quand ça bougeait, quoi, tu vois. Et bien, tout simplement, faire partager ceux qui connaissent et ceux qui ne connaissent pas. Alors, des fois, quand j'arrive à vous dégoter des petites infos sur les sons, et bien, je vous en fais part, ou sur les groupes, les chanteurs. C'est toujours sympa de découvrir un petit peu cet environnement. Et puis, moi, ça me fait toujours plaisir de vous partager toujours du nouveau son. On commence tout de suite, et bien, par le plus important, parce que dans le plus important, évidemment, le funk, c'est quoi? C'est rester en vie. Je vous l'ai déjà mis, évidemment, pendant l'été, pour ceux qui écoutaient déjà l'émission. Il s'agit évidemment des Bee Gees, Staying Alive, et c'est sur iFunk, Radio Fadjet 94.2. Je vous aime. We'll be right back. Staying Alive. Alors, petite info, qui est assez sympa. Donc, pour ceux qui connaissent, évidemment, ceux qui ont évidemment leur brevet de secourisme, je sais plus le nom maintenant, parce que ça a changé depuis. Et, en fait, il faut savoir que c'est exactement le rythme qu'il faut, justement, pour les massages cardiaques. Alors, ça, je savais. Chose que j'ai appris, par contre, c'est que c'est pas un hasard, en fait. Hein. Si c'est exactement le rythme cardiaque, c'est tout simplement, en fait, parce qu'ils sont basés là-dessus. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez, comment dire, c'est Robin Gibb dans The Art of Noise de Daniel Rachel, Conversation with Great Songwriter. J'adore exposer mon accent anglais, n'est-ce pas? Nous avons demandé à Blue Weaver, qui était le clavériste à l'époque, de s'allonger sur le sol et de mettre des électrodes sur son cœur et de les faire passer dans la salle de contrôle. Ensuite, nous avons demandé au batteur de jouer le battement de cœur. Nous étions les premiers au monde à faire une boucle de batterie basée sur ça. Alors en fait, voilà, c'est la petite histoire, la petite info assez marrante quand même, c'est que bah, tout simplement, si c'est exactement par hasard sur le rythme cardiaque d'un humain pour faire le massage cardiaque, c'est parce qu'en fait, on a enregistré le cœur, tout simplement. Voilà comme quoi, eh bien, il faut aussi prendre en compte le cœur, car le cœur est la batterie de votre vie, ce qui rythme votre vie. Ah oui, on est un petit peu poétique sur iFunk. Alors, pour ceux qui viennent, hein, ça fait déjà 7 minutes qu'on est ensemble, iFunk, l'émission funk sur Radio Fadjet 94.2. Là, je vais vous présenter un nouveau son. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, c'est simple. Moi, l'émission, elle dure 30 minutes et j'ai à peu près... J'arrive pas à choisir, j'ai toujours du mal. Allez, c'est parti, je me lance. Je vais vous mettre un truc un peu plus récent, un truc qui bouge toujours, que j'aime beaucoup. D'ailleurs, là, je vais danser hein, pendant qu'il y a le son. Bruno Mars, 24 Magic. Et c'est sûr... Et c'est sûr, High Funk, let's go. Tonight. Just put your Ok, Bruno Mars, Tuneful Magic. Et j'espère que ça bouge chez vous, hein. J'espère que ça bouge au maximum. Évidemment, vous êtes sur l'émission iFunk. L'émission, évidemment, pour vous faire profiter un maximum de la musique qui bouge pour de vrai. Évidemment, c'est le funk, n'est-ce pas? Alors, petite info, 24K Magic est donc fait partie de l'album. Attention! 24K Magic aussi, hein, donc 2016. Alors, il a été quatrième aux États-Unis, cinquième en Angleterre. Faut juste savoir que 24K, ça fait référence au carat. Oui, tout à fait. Il semblerait que dans le clip, il y ait 24 carats justement présentés. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ah, il se fait plaisir. Ah, tant qu'il se fait plaisir avec du funk, finalement. Hein, c'est pas si grave que ça. En tous les cas, il a remporté le Grammy Awards en 2018. Hein, 2 ans plus tard, d'ailleurs, c'est marrant. Bah justement, avec la chanson That's What I Like. C'est peut-être, je vous la mettrai peut-être, je ne sais pas, j'hésite. En tous les cas, ça fait plaisir toujours d'écouter des sons, hein, qui datent de 2016 et pourtant sur un style funk, comme quoi le funk dépasse les années, peut-être même les siècles, n'est-ce pas? Et je suis là pour vous en faire profiter. Alors, déjà 12 minutes ensemble. Ah, le temps passe tellement vite. J'en profitais pour vous balancer directement du lourd, n'est-ce pas? Alors, j'ai deux lourds. En fait, j'ai que du lourd. allez, ouais, si, je vais vous mettre ça. Je vais vous balancer du lourd de chez lourd. Je l'ai déjà mis pendant l'été. D'accord, mais j'adore tellement ce son et j'ai envie de bouger aujourd'hui parce qu'il y a du soleil, les gars, faut en profiter parce que on est dans le nord-est, hein. Comme on dit, il y a le 15 août et il y a l'hiver. Donc profitez un maximum, c'est parti. Fat Larry's Band, Act Like You Know, on a parlé à Paris et surtout on en profite tout de suite. La la la la, Fat Larry's Band, Act Like you know. Ce son est tout simplement incroyable. À chaque fois que je l'écoute, je sais pas pourquoi, j'ai la patate. Alors, pour ceux qui connaissent, hein, vous avez pu entendre le son sur GTA Vice City. Ah, ça rajeunit pas, les gars. Mais en tous les cas, bah, anthologique. Incroyable, énorme. Bah, c'est normal, après tout, vous êtes sur iFunk. Je vais pas vous mettre n'importe quoi, hein. Évidemment, vous êtes mes petits funky, hein. Et moi, je suis là pour transmettre toujours le soleil via le funk, n'est-ce pas. Ça me fait plaisir de vous avoir, en tous les cas, aujourd'hui, hein, encore une fois. Alors, n'hésitez pas, si vous entendez des sons qui vous titillent, je peux toujours vous renvoyer ça. Je vais essayer de vous faire une petite page où chaque semaine, je vous mets en fait les sons que j'ai mis la semaine dernière, tout simplement, hein, parce que si jamais vous voulez découvrir, c'est vrai que c'est plus pratique que là, c'est compliqué, mais et surtout si vous connaissez des sons que vous souhaitez partager, ou des sons que vous créez aussi, hein, de funk, n'hésitez surtout pas, j'adore le funk, voilà, on aime tous le funk, évidemment, on est là pour ça, n'est-ce pas. Voilà, en tous les cas, trêve de blabla. Vive le funk. Bah, il faut bien mettre un peu de funk. Alors, c'est parti. Moi, je vais mettre encore encore du anthologique, hein, n'est-ce pas. Évidemment, pour ceux qui connaissent, je vais mettre du Cool Hand, The Gang, Strength Ahead. Et c'est sur iFunk, Radio Fadjet 94.2. Et vive le funk, vive le soleil. Hey, Cool and The Gang Swing Heat. Si je le dis correctement, j'essaye de faire mon accent américain, hein, mais des fois je sais pas comment on le dit. Alors du coup j'improvise. Bon, en tous les cas, je suis ravi que vous soyez avec moi aujourd'hui sur l'émission iFunk. Évidemment sur la radio Fudget 94.2 pour un maximum de plaisir. Alors moi j'essaye, si vous voulez, je vous dis un peu comment je fonctionne. J'essaye de donner les infos les plus succinctes possibles. Pour qu'elles soient le plus succinctes possibles, il faut que je puisse les avoir relativement vite. Donc faut qu'en 2-3 minutes, je vous synthétise à peu près un truc qui marquant sur les infos. Et donc du coup, de base, je fonctionne beaucoup à l'improvisation, hein, c'est le principe du funk. Et là, je découvre avec grande stupeur que, en fait, Ronald Beld, donc le cofondateur du groupe de Kool & The Gang, hein, le son que vous écoutez en ce moment, est donc mort à 68 ans en septembre 2020. Donc là, il y a peu de temps. Alors, j'ai pas vu du tout l'info. Et juste avant de trouver cette info-là, qui est un peu triste, hein, du coup, je pensais justement vous faire une spéciale, justement, Kool & The Gang, pour vous en parler un peu plus, parce que vu que c'est un gros groupe de funk, évidemment, il y a beaucoup de choses à présenter sur eux, une très longue histoire, et ça me ferait vraiment plaisir de partager ça avec vous. Et puis, vu que là, il est parti il y a pas très longtemps, là, on est le 11 septembre, bon, ça parle qu'aux anciens, mais bon, bref, en tous les cas, on est que le 11, on est même pas au milieu de septembre et on apprend ça, donc c'est il y a vraiment très peu de temps, je vais regarder ça après. Et en tous les cas, voilà, une petite spéciale pour se rappeler les bons moments de funk, évidemment, qui nous ont fait partager à nous tous. J'ai envie de bouger un petit peu. On a fait un peu de Kool & The Gang, on est obligé évidemment de mettre du Earth, Wind & Fire. Ça fait déjà 22 minutes, presque 23 qu'on est ensemble, donc on va profiter de ce son là puis après ça sera le son de la fin. Allez, on profite. Earth, Wind and Fire, let's groove. Et surtout vive le funk, et surtout n'hésitez surtout pas à danser chez vous, car danser ne nuit pas à la santé du tout, bien au contraire. Allez, c'est parti. Bye. franchement, c'est pas un pur plaisir of Wind and Fire, Let's Groove sur iFunk, évidemment grâce à la magnifique radio iFunk. Le mec qui tombe en boucle. iFunk qui est magnifique, iFunk. Non, Radio Fagette, évidemment, 94.2. J'espère que vous prenez évidemment un maximum de plaisir. Ça fait pourtant déjà 26, presque 27 minutes qu'on est ensemble. Le temps passe évidemment trop vite. Alors, petite info, hein, pour Earth, Wind & Fire, il s'agit de l'album Raise 1981. Alors, sur la pochette, vous pouvez voir donc du coup, certainement la déesse Isis. Bon, c'est pas le but. C'était, si vous voulez, à l'époque-là, c'était la mode faire des trucs égyptiens. Rien du tout avec les Illuminati ou je sais pas quoi. C'est juste qu'à l'époque, vu qu'il y avait de nouvelles découvertes qui avaient été faites dans les années 70, donc du coup, on a fait « Waouh, c'est trop cool !» Cool. Donc du coup c'est pour ça qu'il y en a partout. Alors aussi le petit son tout au début, je fais trop bien la voix de robot. Bon, bref, la voix de robot au début, il s'agit en fait de vocodeurs. C'est la première fois qu'on utilise cette technologie là. Par exemple Daft Punk, hein, si vous connaissez, il utilise énormément. À l'époque on utilisait les talkbox, donc c'est un tuyau qu'on met dans la bouche pour faire un peu comme les voix robotiques, notamment dans Zapp & Roger, je vous ferai écouter un petit peu. Mais en tous les cas, vocodeur, c'est la nouvelle technologie. Hein. Bon, ouais, ça n'a pas duré très longtemps parce que je pense que ça coûtait très cher. Mais en tous les cas, c'est un son New Age, vraiment du futur pour le coup que vous avez écouté, grâce à iFunk. Bah, il reste plus que 2 minutes. Malheureusement, on va en profiter. Donc, ce sera la musique de fin. Évidemment, j'ai envie de vous mettre Joy. Ouais, je vais vous mettre Isaac Hayes, Joy. Ah, pourquoi pas. Allez, c'est parti. Donc, on commence sur ce son-là. Voilà. Et bah, ça me permet donc de vous dire au revoir. Ne pleurez pas. Très mauvais comédien, je suis désolé. Non, je sais comment arrêter. En tous les cas, ça me fait encore une fois super plaisir de vous avoir aujourd'hui, évidemment, pour encore plus de funk, encore plus de disco. J'espère vous avoir fait kiffer ces 30 petites minutes, hein, n'est-ce pas ? Surtout, n'hésitez pas sur tous les sites écouter, découvrir le son funk, puisque c'est quand même l'objectif. Je vous souhaite une excellente, évidemment, un excellent week-end, déjà, puisque vous m'entendez samedi. Et on est samedi. Et un excellent week-end, une excellente semaine prochaine. Et puis, surtout, n'oubliez pas, profitez au maximum. Et puis vive le funk, hein. Si vous êtes funky, vous êtes optimiste et la vie est belle. Donc, sur ces belles paroles, je vous dis à ciao ciao, vive le funk et c'est parti avec Isaac Hayes ou Hayes, je sais pas comment on dit, Joy. Allez, pour de la joie. You're my joy.